mannequins. J'ai croisé les feux des camions du Mexique, imploré les dieux pour arriver plus vite. Et déjà le jour apparaît tout là-bas.